sur terre. Je pense que j'ai de la chance quand même d'être là, de vivre parmi nous mes galères, mes peines, mes joies et toujours être là. Je me plains sans cesse des coups bas de la vie parce que je me tape des combats sans cesse dans ma vie, mais je me relève. Trop souvent blessé jusqu'à ce que j'en crève, et sur mes lèvres ou dans ma tête, ma colère n'a pas de trêve parce que j'ai trop le seum d'avoir trop peu vu le seum. Trop souvent pleuré ma rhum assise dans un tum-tum trop petit. Ma vision est terne parce que ma vie est terne. Et comme à la cantine dans ma vie je suis externe. Sauf que là on m'a pas donné le choix. Et comme on me donne pas le choix, ben je pense que je peux ma foi, c'est-à-dire tout ce que je pourrais à la fois. Par le don du tout puissant et ça c'est de bon droit, j'optimise mes visions ternes pour garder le cap droit. Tu sais quoi, tu sais quoi, je me tape au point comme avec la voix. Souvent je pense à mes bonnes parties. Il me reste quoi, il me reste qui, c'est le vide partout. Ma vie si s'obscurcit, j'ai été trahi par plus d'un cercle vicieux, rempli de gens faux, tu es déjà mesquin. Ici ça pleure, victime d'une vie ratée, loin des rêves. Car ceux que jamais sont partis, il me reste quoi, il me reste qui. C'est le vide partout, je fais ma vie en solo en écartant les perturbateurs. Vision terre, moi j'ai connu des super bâtards. Je fais le constat de ma vie, m'aperçois que le diable m'en veut. Je vaux mieux que ce que je laisse paraître. Il y aura peu de larmes si je viens demain à disparaître. Une existence inutile, moi je vis que sur l'instrumental. Trop de sentiments qui me rappellent que je suis seul. J'aimerais retrouver les miens et mon cœur s'oriente vers le ciel. La vision de mes erreurs, la mélancolie d'une vie, c'est qu'un bout de moi. Je ressens même plus l'envie de faire un vœu. Artiste triste au regard solitaire. À mes potes partent, Arun, Daguel, Mythica, Nasser, Idfa, Omar, à tous ceux qui sont déjà partis. Sûrement que j'en oublie, sûr qu'au moins eux là où ils godrivent. Ici c'est l'enfer et qu'on se tape comme on peut. De façon on ira tous au paradis vu que le tout puissant est miséricorde. V'là une lueur d'espoir dans une vision terne, v'là une rose qui pousse dans un gros tas. Une vie comme la mienne, moi ça m'inspire à composer. Je fais ma route seul et je laisse tous ces cons causer. J'observe l'échec des cultures sur un banc posé. Vision terne, la joie de vivre est décédée. La misère ici prend le dessus pour les enfants d'en dessous. Paris m'a souvent déçu, ici on survit sans sous. Itinéraire d'un parcours jusqu'ici peu sensé. Le Douma Staline, c'est featuring de sombres pensées. Je pense que j'ai de la chance quand même.